Théâtre radiophonique. Radio Nederland à Hilversum, aux Pays-Bas, vous invite à écouter une fantaisie radiophonique de Pierre Olivier et Jean-Louis Baril, Le remords de l'égoutier. Eh bien, le remords de l'égoutier, c'est le nom donné à un tableau, à une peinture. Vous n'ignorez pas que la Hollande est connue pour la richesse de ses musées. Les collections hollandaises réunies notamment dans les musées d'Amsterdam, de La Haye ou de Rotterdam sont enviées par les conservateurs des musées du monde entier. Amsterdam, par exemple, la capitale des Pays-Bas, peut également être considérée comme la capitale du monde des marchands de tableaux. L'histoire que nous vous racontons aujourd'hui a pour thème le conflit qui peut opposer les amateurs de peinture face à une œuvre d'un peintre célèbre. S'agit-il d'une œuvre authentique ou s'agit-il d'un faux ? De plus en plus de nos jours, les experts, les critiques d'art, les spécialistes commettent des erreurs en émettant des jugements savants et définitifs. Eh bien, voici ce qui peut arriver à une peinture célèbre, comme, par exemple, Le remords de l'égoutier. Venez, venez par ici, Dargauche. Moi, je vais vous étonner. Je vous réserve une surprise assez exceptionnelle. J'ai hâte de vous voir pâlir d'envie. À ce point ? Mais croyez-moi, cher ami, je ne nourris aucun sentiment d'envie, au contraire. Je me réjouis de ce qui apparemment provoque en vous une joie infinie. Une joie infinie, c'est exact. Voilà, vous avez vu jusqu'à présent la plupart de mes tableaux, et maintenant, je vous montre ma dernière acquisition. Une toile exceptionnelle. C'est une œuvre de De Clercq. Henri De Clercq ? Henri De Clercq. Un de nos plus grands peintres modernes, un illustre représentant de l'art abstrait, un homme... Mais inutile d'insister, ni de vouloir me convaincre. Je connais l'œuvre de Henri de Clercq. Sans vouloir être indiscret, j'imagine que cette toile représente une petite fortune. J'avoue que cet achat est presque une folie. Entre nous, je peux vous le dire, cette toile m'a été vendue pour 1 200 000 francs. Ah, en effet. Que voulez-vous, mon cher ? C'est une de mes plus grandes joies, la peinture. À mon âge, n'est-ce pas ? Et puisque les circonstances me permettent d'investir dans la peinture, pourquoi pas ? Après tout, c'est un placement d'argent comme un autre. Avec cette différence qu'il m'est beaucoup plus agréable de contempler ces toiles que de feuilleter un paquet d'actions ou de titres quelconques. Vous ne croyez pas ? Je suis entièrement de votre avis. Mais encore faut-il pouvoir s'offrir cette joie. Oh, personnellement, toute cette galerie de tableaux est le fruit d'une vie de travail, d'affaires. Et comme le disait mon père, il ne suffit pas d'être ce qu'on appelle un industriel. Il faut savoir conduire, diriger, enfin guider une industrie. Oh, ce que vous avez su faire avec un talent remarquable. Oh, ma foi, j'ai toujours fait ce que je croyais devoir faire et je ne m'en plains pas. Alors, pensez-vous de De Clercq ? N'est-ce pas une toile, une peinture merveilleuse ? Et curieusement, cette toile est appelée le remords de l'égoutier. C'est étonnant, hein ? Oui, dites-moi, oui. Cette toile, oui. Vous l'avez fait expertiser ? Évidemment, pas par n'importe qui. J'ai choisi le plus grand expert de Hollande, Goldenberg. Ah, dans ce cas, évidemment, si Goldenberg a certifié l'authenticité de cette œuvre... Et que voulez-vous dire ? Vous supposez que cette toile ne serait pas un vrai De Clercq ? Oh, comment vous dire ? Je ne suis pas convaincu. Comment ? Vous n'êtes pas convaincu de l'authenticité de cette toile ? Non, naturellement, je n'affirme rien. Mais quand même, sans pouvoir la définir, j'ai une sorte de restriction. Non, voyez-vous, je connais parfaitement, enfin, j'ai la prétention de bien connaître l'œuvre de De Clercq. C'est mon peintre favori. La toile que vous me montrez me paraît plus ressembler à une œuvre de De Clercq que d'être réellement une œuvre de De Clercq. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, je comprends, mais vous voudrez bien admettre que je ne sois pas de votre avis. Vous avez des photos de cette toile ? Oui, pourquoi faire ? J'ai une idée. Et en même temps, c'est une faveur que je vous demande. Oui. Voilà, si j'avais une photo de cette toile de De Clercq, je pourrais faire une petite enquête et au besoin même, je pourrais prendre contact avec le maître et lui demander de reconnaître son œuvre. Quoi ? Vous iriez déranger le peintre De Clercq lui-même ? Oui. De Clercq doit avoir au moins 80 ans aujourd'hui. Et alors ? Enfin, voyons, Dargauche, je ne comprends pas votre attitude. Cette toile a été certifiée authentique par le plus grand expert du pays. Que vous faut-il de plus? Avec votre permission, j'aimerais avoir l'avis de l'auteur. Je vous savais sceptique, mais à ce point-là, c'est incroyable. Admettons que vous ayez raison, que cette toile soit réellement à De Clercq. Qu'est-ce que vous risquez si, de mon côté, je mène discrètement une petite enquête? Bon, j'accepte. Je vous connais, Dargo, vous êtes têtu comme un mulet. Si je vous donnais pas satisfaction, vous me persécuteriez jusqu'à ce que j'accepte. Alors, dans ce cas, la sagesse me dicte de vous laisser faire. Soit, faites votre enquête. Mais je vous préviens, je ne vous ménagerai pas, je vous ridiculiserai devant tous nos amis. Non, très franchement, je souhaite avoir tort. Pourtant, une voix intérieure me dit que j'ai raison. Alors, vous me prêtez les photos du tableau? D'accord. Je vous tiendrai au courant de ma petite enquête. Je l'espère bien. Allez, Dargo, amusez-vous. Vous m'avez bien dit que la toile s'appelait... Le remords de l'égoutier. Un riche industriel vient d'acquérir une toile du maître Henri de Clercq. Dargo, un ami de cet industriel, a vu la toile et a émis des doutes quant à l'authenticité de l'œuvre. S'agit-il d'une œuvre authentique ou d'un faux? Dargo veut le savoir et avec les photos du tableau, il se rend chez le maître où il est accueilli par une jeune femme, Delphine de Clercq, la cinquième épouse du grand peintre Henri de Clercq. Entrez, monsieur, je vous en prie. Stéphane Dargo, mes hommages, madame. Asseyez-vous. Je vous remercie, madame. J'ai reçu votre lettre. Je vous ai suggéré de venir me voir. Malheureusement, je ne crois pas pouvoir vous être utile. Le maître refuse toutes les visites. Oh, mais je n'ai jamais eu l'intention de déranger le maître. Je demande tout simplement au maître de reconnaître une toile, de me dire si l'œuvre qui lui est soumise est son œuvre ou si nous sommes en présence d'un faux. C'est tout. Je suis navrée de vous décevoir, mais vous ne pouvez pas ignorer que le maître renie presque toute son œuvre abstraite. Ah? Oui, Henri de Clercq est devenu un étrange personnage. Je suis sa seule compagnie. Il ne voit plus personne. Nous vivons dans le recueillement, le calme, la paix intérieure. Et nous sommes très heureux. Je découvre un monde que je ne soupçonnais même pas. Avant de rencontrer le maître, je vivais un peu comme un petit animal. Je ne me plaisais que dans le bruit, l'agitation. J'avais besoin de sortir, voir des amis, être toujours dans le mouvement, dans l'actualité. Et puis j'ai rencontré Henri de Clercq. Je l'ai épousé. Ma vie s'est transformée. Je suis heureuse. Au fait, je me demande pourquoi je vous raconte tout ça. Oui, je sais. C'est pour essayer de vous faire comprendre à quel point nous sommes devenus étrangers à toutes les querelles d'experts, les spéculations des marchands de tableaux, les commentaires des critiques, des amateurs de peinture. Non, non. Aujourd'hui, Henri de Clercq continue à vivre pour son art. Moi, je l'aide de mon mieux. Quant au reste, le bruit de la ville nous laisse indifférents. Madame, je respecte profondément votre manière de vivre, vos sentiments. Mais je crains de m'être mal exprimé, d'avoir mal formulé ma requête. Il ne s'agit pas de querelles d'experts, de critiques ou de spéculations. Ce qui m'amène ici, c'est uniquement la recherche de la vérité. Ma démarche est honnête, elle n'est absolument pas inspirée par l'amour du lucre. Je voudrais savoir si le nom prestigieux d'Henri de Clercq peut honorablement figurer au bas du tableau dont j'ai ici les photos. Vous voudriez donc que le maître reconnaisse une toile? Hélas, il ne sort plus beaucoup. Non, je voudrais simplement qu'il regarde ses photos et qu'il me dise s'il reconnaît son tableau, le remords de l'égoutier. Oui, oui. Je veux bien vous aider. Mais je ne peux rien vous promettre. Donnez-moi ces photos. Je vais réfléchir et je vais voir ce que je peux faire. Je vais les soumettre au maître. Voulez-vous revenir dans 3 jours? Bien sûr. Bien sûr. Je vous remercie infiniment, madame. Ne me remerciez pas trop vite. Cela ne dépend pas de moi. Convaincu de la sincérité de Stéphane Dargo, Madame de Clercq avait accepté de demander au maître de bien vouloir reconnaître la toile, le remords de l'égoutier. Stéphane Dargaud attendait le verdict avec impatience et 3 jours plus tard, il revoyait Madame Henri de Clercq. Hélas, monsieur Dargaud. Oh, le maître n'a pas voulu examiner les photos. Au contraire, il les a examinées. Il est formel. Cette toile n'est pas de lui. Il n'a jamais peint le remords de l'égoutier. Nous sommes donc en présence d'un faux. Je suis désolé, monsieur Dargaud, mais le maître n'a eu aucun doute. Non, ce que vous m'apprenez ne me surprend pas du tout. Je le pressentais. J'en étais presque convaincu. Il faut reconnaître que l'imitation est assez réussie. Pourtant, il y manque la flamme, la touche de De Clercq. Malheureusement, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Donc, Stéphane Dargaud avait eu raison de douter. La toile achetée par son ami, l'industriel Castelaine, était un faux. Ce n'était rien d'autre qu'une belle imitation du style et de la manière du grand peintre Henri de Clercq. On suppose déjà la déception et l'amertume de M. Castelaine en apprenant la mauvaise nouvelle. Non, il n'y a aucun doute, le maître a été formel. Il n'a jamais peint cette toile. Mais comment peut-il être aussi convaincu? Il a peint plus de 400 toiles. Et après tout, il n'a jugé que sur une photo, il n'a pas vu le tableau. Mais réfléchissez, M. Castelaine. Moi-même, j'ai eu des doutes. J'ai senti que je n'étais pas en face d'un De Clercq. À plus forte raison, le maître, le peintre lui-même, il n'a pas reconnu son œuvre. Mais ce tableau a été vendu avec le certificat du plus grand expert de Hollande. Oh, les experts, ce ne serait pas le premier expert qui commet une erreur. Cela arrive tous les jours. Alors ? Alors, eh bien, mon cher, je vous promets un beau procès en perspective. Je ne me laisserai pas faire, tant pis. Je dépose plainte et j'attaque, tant pis. Monsieur Castelaine, le malheureux propriétaire de la toile reniée par le peintre Henri de Clercq, a décidé d'attaquer en justice le marchand de tableaux et ce dernier s'est retourné contre l'expert Monsieur Goldenberg. Averti des intentions de Monsieur Castelaine, l'expert Goldenberg se rendit immédiatement chez l'industriel. Qu'est-ce que j'apprends, Monsieur Castelaine? Vous déposez plainte pour faux? Et vous croyez sans doute que je vais me gêner? Non, mais vous l'avez authentifié, ce tableau. Vous avez certifié qu'il était un authentique Henri de Clercq. Et moi, me fiant à votre signature, je l'ai acheté. Et croyez-moi, on ne m'a pas fait de cadeau. J'ai payé 1 200 000 francs pour cette toile. Oui, je sais, mais enfin, il faut éclaircir cette affaire. Ah oui, alors, ça, je suis d'accord avec vous. Il faut éclaircir cette affaire, et pas un peu. La lumière totale. Faites-moi confiance, pour éclaircir, on va éclaircir. Et au grand jour. Mais il est peut-être prématuré de provoquer un scandale. Tout peut s'arranger gentiment, sans éclat. Que voulez-vous dire? Nous devons garder la tête froide. Enquêter à fond et trouver la solution adéquate. Une bonne solution, une solution qui satisfera tout le monde. Écoutez-moi bien, Monsieur Goldenberg, je suis dans les affaires depuis plus de 50 ans, et j'en ai vu d'autres, croyez-moi. Et jusqu'à présent, j'ai pas encore rencontré celui qui allait se moquer du vieux Castelaine. Et je vous le dis, ça ne sera certainement pas vous. Mais qui vous parle de se moquer? Se moquer de qui? De quoi? Non, il faut faire la lumière sur cette affaire. Toute la lumière. Comptez sur moi, Monsieur Castelaine. C'est mon intérêt à moi aussi. Il faut qu'on règle cette affaire le mieux possible. Non, pas le mieux possible. Je vous donne 15 jours pour faire la vérité. Et si vous vous êtes trompé, tant pis pour vous. Je veux récupérer le 1 200 000 francs. Il ne sera pas dit que Castelaine a acheté un faux. Monsieur Goldenberg, l'expert, voulait absolument connaître le fin mot de cette histoire. Il mena une enquête, accumula des témoignages et se décida finalement à rencontrer le peintre lui-même, Henri de Clercq. Hélas, le maître, fidèle à son mode de vie, refusait toutes les visites. Et M. Goldenberg dut se résigner à discuter de cette affaire avec la femme du peintre, Delphine de Clercq. Je vous dis, monsieur, qu'il est inutile d'insister. C'est incroyable. Inimaginable. Ah non, c'est trop facile. Henri de Clercq décrète que la toile, le remords de l'égoutier, n'est pas de lui, et nous devons gentiment subir les conséquences de cette déclaration. Que voulez-vous que je vous dise? Je prétends que la toile, le remords de l'égoutier, signé Henri de Clercq, est une œuvre authentique du maître de Clercq. Mais puisque le maître lui-même déclare que c'est un faux. Comment peut-il être aussi affirmatif? Je vous le demande. Il a peint plus de 400 toiles. Et je vais vous dire une chose plutôt désagréable, mais j'y suis forcé. La plupart des toiles du maître ont été peintes en état d'ivresse. Monsieur, je vous en prie. Je peux le prouver. J'ai suffisamment de témoignages et même des rapports de police pour prouver ce que je dis. Alors ? Vous n'avez pas le droit. Je n'ai pas le choix. C'est différent. Remarquez, je ne juge pas. Je me borne à constater un fait. Tout le monde sait que le peintre Henri de Clercq n'a pas toujours mené la vie de moine qu'il mène actuellement. Ne vous en déplaise. Il est plutôt connu comme un bon vivant, un guéluron, un joyeux ivrogne. Monsieur, je vous interdis. Croyez-moi, madame, je regrette de devoir vous rappeler toutes ces choses. Mais c'est le seul moyen de vous faire entendre raison. Le maître ne peut pas prouver que la toile n'est pas de lui. Je vous répète pour la dernière fois que le maître déclare officiellement et définitivement que la toile, le remords de l'égoutier, n'est pas de lui. C'est un faux. Il ne suffit pas de déclarer. Il faut encore le prouver. Et puis en voilà assez, monsieur. Je n'ai plus rien à vous dire. Et je vous serai reconnaissante de bien vouloir cesser de m'importuner. Dans ce cas, eh bien, malgré moi, je suis obligé de laisser éclater le scandale. Quel scandale ? Eh oui. Monsieur Castellane, qui a acheté la toile, est persuadé qu'il s'agit d'un faux. Naturellement, il veut faire un procès. Inévitablement, je serai appelé au tribunal. Il faudra que je me défende, que je prouve ma bonne foi et toutes mes affirmations. Ma thèse est très simple. La toile, le remords de l'égoutier, a été réalisée par le maître Henri de Clercq en état d'ivresse. Cela peut expliquer qu'aujourd'hui, il ne reconnaisse pas son œuvre. Comment savez-vous qu'il était en état d'ivresse ? Madame, ce n'est un secret pour personne. Henri de Clercq vivait dans un état d'ivresse quasi permanent. Tous les cafetiers, les concierges d'Amsterdam vous le diront. Il y a même des rapports de police vieux de 30 ans qui signalent cet état. Henri de Clercq a été arrêté plus de 10 fois en état d'ivresse sur la voie publique. Cette époque de la vie du maître est absolument révolue. Monsieur, vous n'avez pas le droit de réveiller tout ce passé et de porter préjudice à l'honorabilité du maître. Que voulez-vous qu'il fasse ? Une fausse déclaration. Je n'ai plus rien à vous dire, monsieur. Dans ce cas, je sais ce qu'il me reste à faire. Faites tout ce que vous voudrez. Bon. Mes hommages, madame. Au revoir, monsieur. L'expert Goldenberg ne perdit pas de temps et alerta ses amis journalistes. Relisez-moi cet article d'Argot. C'est inouï. Une nouvelle histoire de faux. Le célèbre expert Goldenberg vient de nous révéler une nouvelle histoire de faux tableaux. Une toile de Henri de Clercq, le remords de l'égoutier, reconnue authentique par l'expert Goldenberg, est reniée catégoriquement par le peintre lui-même. De son côté, l'expert Goldenberg prétend qu'il est impossible au peintre d'affirmer quoi que ce soit, étant donné que la majeure partie de son œuvre a été réalisée lorsque le maître était en état d'ivresse. Oh, c'est un... L'expert Goldenberg dit qu'il n'hésitera pas à réunir tous les témoignages utiles pour démontrer qu'il s'agit, dans cette affaire, d'un cas qui pourrait être assimilé à une manière d'amnésie de la part du grand peintre contemporain. J'ai l'impression, mon cher d'Argot, que nous allons assister à une belle empoignade. Monsieur Goldenberg n'hésite pas à tirer à boulet rouge. Il faut croire qu'il est absolument convaincu d'avoir raison, ou alors il a tellement peur d'un procès qu'il préfère prendre les devants et attaquer. Vous avouerez que ce monsieur manque de la plus élémentaire courtoisie. On n'a pas le droit de faire écrire de pareilles choses. Mon Dieu, s'il est vrai que le peintre Henri de Clercq n'a pas toujours vécu d'une manière exemplaire, ce n'est pas une raison pour ranimer le passé, 20 ans après. Enfin voyons, cela ne se fait pas. Eh oui, je suis bien d'accord, mais nous sommes forcés de constater que M. Goldenberg n'a pas mis de gants de velours. Hein. Ah, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Je suis curieux de savoir comment... Oui, comment Henri de Clercq va réagir. Probablement par le silence. Le maître, Henri de Clercq, fut très peiné par les articles publiés dans différents journaux et relatant ses écarts de jeunesse. La femme de l'artiste, Delphine de Clercq, était bien décidée à ne pas laisser agir l'expert sans lui opposer un farouche démenti. Delphine n'avait écrit à Stéphane d'Argot, le priant de lui rendre visite, ce qu'il fit aussitôt. Et que pensez-vous de tous ces articles ? Je trouve cela ignominieux. C'est du plus mauvais goût. Nous devons réagir. Nous devons faire quelque chose. Mon mari est très déçu, très attristé par la tournure de cette malheureuse affaire. Que me conseillez-vous, monsieur Darcot? Il est très difficile de vous conseiller dans cette affaire. C'est évidemment un sujet très délicat. Et puis, après tout, on ne peut pas oublier qu'il y a 1 200 000 francs en jeu. Et que mon ami M. Castellane n'a pas l'intention d'oublier qu'on lui a vendu un faux tableau. Cela se comprend. Oui. Oui, évidemment. Mais quand même, le silence est très joli, mais si nous ne disons rien, nous donnons l'impression d'approuver, en tout cas d'accepter les faits tels qu'ils sont rapportés par l'expert Goldenberg. Et Dieu sait jusqu'où il ira. Et si je faisais insérer une annonce dans les journaux? Une annonce dans les journaux? Et pourquoi faire? Oui. Oui, je crois que c'est une idée. Je mets des annonces dans les journaux pour promettre une toile du maître Henri de Clercq à celui ou à celle qui pourra l'aider à confondre l'expert. Qu'en pensez-vous? Oui. À première vue, l'idée n'est pas mauvaise. Oui, c'est peut-être une bonne solution. Encore que je ne vois pas très bien comment on pourra aider le maître à confondre l'expert Goldenberg. Je crois qu'il faut tenter l'expérience. Si vous le croyez, peut-être avez-vous raison. Qui sait? Suivant sa première idée, Madame de Clercq, la femme du peintre, fit publier plusieurs annonces dans les journaux pour promettre une toile de son mari à celui ou à celle qui l'aiderait à confondre l'expert Goldenberg. Une toile du maître Henri de Clercq, cela représentait des centaines de milliers de francs. Communiqué. Le peintre Henri de Clercq offrira une toile à celui ou à celle qui pourra l'aider à confondre l'expert Goldenberg, qui affirme abusivement que le tableau Le remords de l'égoutier de la collection Castellane est un authentique de Clercq. Solennellement et définitivement, le maître Henri de Clercq déclare que le tableau qui lui est attribué et appelé Le remords de l'égoutier est un faux. Le remords de l'égoutier. Le remords de l'égoutier. Ça me dit quelque chose, ça. Le remords de l'égoutier. Mais oui. Mais je vois ce que c'est. Collection Castellane. Le remords de l'égoutier. Nous sommes maintenant chez M. Castellane, le propriétaire du faux tableau. Monsieur Fishman, je suis très honoré de votre visite. Permettez que je vous présente mon ami Dargaud. Très heureux, monsieur. Vous êtes Jean-Pierre Fishman, le peintre? Exactement. Et je suis fier de posséder plusieurs toiles de mon ami. À propos, j'ai entendu parler de votre dernière exposition à New York. Un grand succès, paraît-il. Mais je n'ai pas à me plaindre. Tout a très bien marché. La semaine prochaine, j'expose à Londres. Vous vous souvenez, il y a au moins 25 ans, quand je vous disais que vous seriez célèbre, un peintre recherché à travers le monde. C'est gentil de venir me voir. Il y a au moins 3 ans que je vous ai plus vu. Ben oui, vous savez, le temps passe, les voyages, le travail. Et je vois que vous êtes muni de votre boîte de peinture. Vous êtes en pleine inspiration? Non, pas précisément. J'aimerais faire un petit tour dans votre galerie de tableaux. Mais naturellement, je suis très honoré de recevoir la visite d'un grand peintre qui... En plus, manifeste de l'intérêt pour ma modeste galerie. Vous me flattez, mon cher. Lorsque vous me parlez de modeste galerie, je suis en droit de penser que vous recherchez le compliment. Alors allons-y. Vous nous accompagnez, Dargaud? Très volontiers. Oh, vous savez, je n'ai pas beaucoup de nouvelles toiles. Je n'ai pas fait de grands achats depuis votre dernière visite. À l'exception, bien entendu, de ce fameux remords de l'égoutier. Vous avez peut-être lu dans la presse l'histoire de cette toile. Justement. Vous parlez d'une affaire invraisemblable. L'expert me certifie l'authenticité de la toile et l'auteur, le peintre de Clercq, déclare et fait imprimer qu'il s'agit d'un faux. Et qui faut-il croire? Il faut croire le peintre, naturellement. C'est également mon avis. Alors, lorsque j'ai vu cette toile, j'ai eu comme un pressentiment. J'ai senti qu'il se passait quelque chose d'anormal, d'étrange. Non, je n'ai pas retrouvé le contact avec le peintre. On peut la voir, cette toile. Mais naturellement. Tenez, suivez-moi. Voilà. C'est donc ça, le remords de l'égoutier. Oui. Qu'en pensez-vous? Oui. Qu'en pensez-vous? Nous allons avoir l'avis non seulement du peintre, mais aussi, je le sais, d'un admirateur de De Clercq. Alors? Curieux. Oui, je suis assez de l'avis de M. Dargaud. On ne sent pas la présence de De Clercq. Ah, ce fut exactement mon sentiment. Alors il n'y a plus de doute. Ce n'est pas un De Clercq. Vous avez certainement raison. Ce n'est pas un De Clercq. Certainement. Oui. Je vais vous demander une faveur, M. Castellane. À moi? Oui. Je voudrais être seul avec cette toile pendant quelques minutes. Être seul? Dans la galerie? Mais pourquoi donc? Si vous acceptez de me laisser seul avec cette toile, je vous demande de ne pas me poser de questions. Je vous expliquerai après. Ma foi, pourquoi pas? C'est entendu, je ne vous pose pas de questions et nous vous laissons. Venez, Dargaud. Laissons M. Fishman seul avec le remords de l'égoutier. Je vous appelle dans 5 minutes. Ah, ces artistes, ces peintres m'étonneront toujours. Comme promis, quelques minutes plus tard, le peintre Jean-Pierre Fishman rappela M. Castellane et Stéphane Dargaud. Voilà, j'ai terminé. Terminé? Et quoi donc? Regardez. Regardez quoi? Eh bien, le remords de l'égoutier. Ah, moi j'ai vu. Et qu'est-ce que vous avez vu, vous? Regardez bien la toile. Hein? Mais, vous avez signé la toile? C'est exact. Comment? Vous avez fait disparaître la signature de De Clercq pour y apposer la vôtre? C'est bien cela. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ce tableau est de moi. Vous parlez sérieusement? Le plus sérieusement du monde. Comment? Vous êtes l'auteur de ce tableau? C'était donc un faux. Je vais tout vous expliquer, Monsieur Castellane. C'est très simple. Ah? Si mes souvenirs sont exacts, j'ai peint cette toile en 1933 ou en 1934, lorsque j'étais inconnu et dans une misère sordide. Vous faisiez des faux? Hélas, oui. Cela m'est arrivé. Remarquez, j'aurais très bien pu ne rien dire. Ça, personne ne l'aurait jamais su. Oui, c'est vrai. Mais quand j'ai vu l'annonce de De Clercq, et puis après tout ce que l'expert a osé raconter, alors là, j'ai pensé qu'il était de mon devoir de rétablir la vérité. C'est un sentiment qui vous honore, je vous en félicite. Mais vous me placez dans une drôle de situation. C'est que j'ai acheté ce tableau pour 1 200 000 francs. Alors vous faites une très, très bonne affaire. Ah, et comment ça? Ben oui. En signant ce tableau, et en le reconnaissant comme une de mes œuvres, j'apporte la preuve irréfutable pour confondre l'expert Goldenberg. Donc, respectant sa promesse, le peintre De Clercq vous offrira une toile. Ah, ma foi, oui, c'est vrai, je n'y avais pas pensé. Ensuite, à mon tour, et pour vous dédommager de tous ces tracas, je vous offre moi aussi une de mes toiles à votre choix. Oh non, non, non, non, non, non, je ne puis accepter, vous êtes trop aimable. Si, au contraire, j'insiste, et je vais absolument vous offrir la toile qui vous plaira. Et finalement, je vais me permettre de vous demander une faveur. Oh, ça alors, elle est accordée d'avance. Je vous prends au mot. Je veux acheter le remords de l'égoutier. Vous voulez acheter cette toile? Oui, c'est un témoignage de ma jeunesse, de mes années difficiles. Finalement, je serais très heureux d'avoir cette toile chez moi. Eh bien, d'accord, je vous la vends. Voyez-vous, avec un peu de bonne volonté, tout s'arrange toujours. C'est incroyable! Ce matin, cette toile était un faux, et quelques heures plus tard, elle est parfaitement authentique. Alors, il faut vite annoncer la bonne nouvelle et fêter l'événement. Au fond, c'est à vous, Dargaud, que je dois cela. Oh, c'est beaucoup dire. Mais si. En tout cas, monsieur Dargaud, je vous félicite. Vous avez l'œil d'un expert. C'est tout à fait remarquable. Et dites-moi, Dargaud, à votre avis, quelle pourrait être la morale de cette histoire? Moi, la leçon à tirer de cette affaire? Bien, ma foi, je ne sais pas. Eh bien, moi, je suis peut-être vieux jeu, comme disent mes petits neveux. Cette anecdote m'apporte la preuve, une fois de plus, que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, la vérité finit toujours par triompher. C'était Le remords de l'égoutier, une fantaisie radiophonique de Jean-Louis Barry et Pierre Olivier, une émission de Jean de Give, une réalisation technique de Jean Ruche, une production de théâtre radiophonique de Radio Nederland à Hilversum aux Pays-Bas.